Samedi 9 février, le multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini reçoit la visite des excavations à savoir de la Haute-Côte-Nord au complexe sportif du secteur de Dolbeau. Prix du billet seulement 8 $. Venez voir du hockey de haut calibre avec des joueurs d'ici. Soyez le 7e joueur. Go Multi, go! Pour tous vos problèmes électriques, que ce soit industriel, commercial, institutionnel ou résidentiel, les électriciens du Nord, un incontournable en affaires depuis 1977. Notre équipe possède le savoir et l'expérience pour répondre à tout besoin. Les électriciens du Nord, 1025 Première Rue à l'Ascension, au 418-347-5103 ou visitez ledn.com. Monsieur Ghislain Tremblay et tout le personnel des électriciens du Nord invitent toute la population à la classique hivernale de Saint-Ludger-de-Milo et félicitent les organisateurs. On continue nos chroniques de football pour au moins deux semaines encore. Celle de cette semaine et l'autre semaine et par la suite, ça va être vraiment là, comme un petit peu au besoin. Avec Tony Guzzo du site internet, la Bits NFL, on a entendu parler souvent, on en a parlé régulièrement. Je fais au moins, on a parlé deux fois dans nos chroniques de la NFL. Ben, c'est ça y est, on y est. Début de la Ligue Alliance demain avec deux matchs. On en parle avec Tony Guzzo. Salut Tony. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Tony, très très beau travail au départ. Je voudrais te féliciter. Ben, je t'ai félicité à peu près 100 fois, là, mais je te félicite encore. Je te félicite encore une fois parce qu'il y a du travail là-dedans de publier sur le Blitz NFL un beau travail de recherche que tu as fait sur la Ligue Alliance pour faire connaître c'est quoi la Ligue Alliance. Et c'est vraiment impressionnant comme travail. C'est très professionnel. D'abord, pour les gens qui se posent des questions, on en a déjà parlé. La Ligue Alliance de football, ça a commencé. C'est quoi, en fait, la Ligue Alliance de football? Ben, tout d'abord, merci, Danny, pour les compliments. Puis j'invite tout le monde de venir voir l'article. Là. C'est un bon résumé pour savoir qu'est-ce qu'il y en est de la Ligue. La Ligue Alliance, ben, ça a été annoncé en mars dernier. Mm. Ça va faire quasiment un an. Les cofondateurs, c'est Charlie Ebersole, le fils de Dick Ebersole qui avait parti la XFL là. Ouais. Et Bill Polian, on connaît Bill Polian qui est un membre du temple de la renommée du football qui a travaillé pendant des années comme dirigeant, comme directeur général dans la NFL. Donc la Ligue Alliance là, si on résume rapidement, puis faut pas le prendre non plus négatif là, parce que j'ai vu même l'annonce du NFL Network là, il disait comme une deuxième chance, une nouvelle alliance, une deuxième chance. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs, tu sais, c'est pas évident de faire l'alignement de la NFL des 53 joueurs, donc il y en a beaucoup de joueurs qui peuvent être aussi bons puis peuvent donner aussi du football de qualité. On sait que la NFL, c'est de la business. C'est sûr que là, ça vient pas de la NFL, mais ça vient beaucoup des gens, des anciens de la NFL. La NFL pas officiellement, mais officieusement, on peut dire qu'ils sont pas mal. Ben exactement. Donc c'est sûr que ça va aider à des gens comme nous qui mangent du football. On va avoir du football de printemps. Puis c'est une ligue de développement. C'est 8 équipes qui complètent la NFL. Puis comme tu dis officieusement, ben moi j'appelle ça comme un club école, une ligue mineure de football pour préparer, puis c'est pour ça je pense que le mot alliance le dit. On parle des entraîneurs, on parle des joueurs, on parle aussi de l'expérience du spectateur. Donc, je trouve que ça va être non seulement une ligue de développement, mais ça va être aussi une ligue laboratoire. Donc, on va essayer bien des choses, on va donner une deuxième chance à certains joueurs, on va développer des entraîneurs, des futurs entraîneurs, des talents locaux en développement. Je pense que ça va être... c'est sûr qu'on n'entend pas parler. Je trouve ça dommage. Les matchs sont à CBS demain. Le premier match par la suite, c'est CBS Sports. Et les gens qui ont les matchs, qui ont NFL Network, il y aura deux matchs par semaine. Exactement. Puis j'ai si vous allez aussi sur mon site ou même sur Internet, là, il y a des matchs qui vont être présentés aussi sur TNT, c'est un poste américain. Et aussi un site Internet Bleacher Report Live. Donc je sais pas si nous au Canada on va pouvoir avoir accès, mais ça va être très intéressant. Huit équipes. Et qu'est-ce que on a déjà eu des nouvelles de dernière heure depuis deux jours. Okay. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Non, c'est que Michael Vick, il y a Michael Vick qui ne sera pas coordinateur défensif finalement. Exactement. On ne sait pas l'histoire de Michael Vick. Ça a sorti dans les médias à Atlanta, mais il va demeurer au sein de l'équipe comme rôle de consultant. Ouais. Mais c'est quand même la veille, quasiment deux jours avant le début de saison, qu'il est pas, il sera pas coordonnateur offensif, mais il va jouer un rôle de consultant. Il semblerait qu'il a mis trop de temps les dernières semaines pour la télé Fox. Okay. Donc, il n'a pas vraiment mis l'énergie et le temps nécessaire pour son équipe, les Legends d'Atlanta. Mais l'autre dernière nouvelle, c'est qu'on va en parler tantôt là, au niveau des règlements, c'est que ils ont décidé de rajouter un neuvième arbitre. Ah, OK. Ça a-tu un lien, d'après toi, avec ce qui s'est passé? Oui. Ben ils l'ont dit parce que les deux personnes qui travaillent du côté arbitrage et règlement, c'est Mike Pereira et Dean Blandino, donc des anciens de la NFL. Le neuvième arbitre, il va être dans la tribune de presse. Okay. Il appelle ça un sky judge. Okay. Donc, il va être en haut et c'est lui qui va passer le message aux arbitres si jamais il y a une erreur, s'il y a des erreurs comme évidentes et flagrantes, un peu comme dans le cas qu'on a vu les Rams contre les Saints. Je comprends. Là, fait que ça, c'est carrément, là, d'après moi, un essai de la NFL. Exactement. Je pense qu'il a le lien, il a le lien avec la NFL et le développement en termes de sport. Les équipes sont composées de 50 joueurs, normalement des talents locaux. Ils ont joué au niveau universitaire, qui ont déjà joué dans la NFL ou même dans la Ligue canadienne de football. Donc c'est ça qui arrive au niveau des 8 équipes. Dans les joueurs les plus connus, après ça on va aller au règlement. Il y a des noms qui me dit des choses, comme Trent Richardson qui a joué, qui était un troisième choix total. Lui était repêché, je pense, par les Browns de Cleveland. Tout à fait. Il a joué avec les Rough Riders de la Saskatchewan dans la Ligue canadienne de football. Lui, il fait partie de l'équipe, je pense, c'est l'équipe de Birmingham, si je ne m'abuse. Tout à fait. Après ça, t'as Denard Robinson, comme je te disais, carrière. Qu'on a vu avec les Wolverines du Michigan il y a à peu près 7-8 ans. Il a joué 3 ans avec les Jaguars de Jacksonville. Lui également est dans la XFL. Et tu as Joe Johnson également, tu me dis, hein, que lui était le premier choix. Josh Johnson, qui a été le premier choix au total de cette nouvelle ligue de l'Alliance, puis qu'on a vu les derniers matchs avec les Redskins. Donc, il a été rappelé, il a joué pour les Redskins les derniers matchs, et lui, il a été le premier choix. C'en est un qu'on va voir. Lui, il va jouer pour San Diego, qui est dirigé par Mike Martz, donc l'ancien de Saint-Louis. Exactement, qui a gagné le Super Bowl en tant que coordonnateur offensif, puis l'année d'après, il a perdu en finale contre le nouveau Tom Brady, les Patriots, en 2002. Donc, Josh Johnson, il y a des porteurs de ballon comme on a Bishop Sankey qui va être aussi avec San Diego, qui a déjà joué dans la NFL. On parle aussi de je l'ai vu vite là. Nick Novak, le kicker Nick Novak qu'on a vu, il va être avec Birmingham. Et entre autres, il y a Atlanta, on va avoir déjà une controverse parce que là, j'ai fait la correction ce matin, là, j'avais mis Brad Childress, mais Brad Childress, il n'est plus l'entraîneur. Ouais. C'est ça, il a démissionné il y a un mois. Il va être remplacé par Kevin Coyle. Brad Childress avait ramené le corps arrière Aaron Murray, qui était le deuxième choix de la Ligue Alliance, mais il semblerait que c'est Matt Sims qui va être le partant demain. Matt Sims, c'est le plus jeune fils de Phil Sims et le frère de Chris, de Chris qui a joué pour les Bucks. Donc, c'est un peu un mélange de ça. On va avoir des coachs colorés comme Steve Spurrier avec Orlando. Dennis Erickson. Dennis Erickson, qui a déjà coaché dans l'NFL. Et moi, là, il y en a un qui connaît pas son histoire en détail. On le connaît plus comme joueur. C'est Mike Singletary avec les Memphis. Lui, ça a l'air que c'est un grand élève du coaching. Ça a l'air que depuis qu'il s'est fait, tu sais, il s'est fait congédier par les 49ers, là, il est retourné comme sur le banc d'école pour apprendre vraiment le coaching. Lui, il va apporter l'aspect défensif dans cette ligue-là, comparé à Steve Spurrier dans l'attaque, là. Parce que Singletary, on va se le dire, là, il est monté vite comme entraîneur-chef. Oui, ben c'est ça. Ouais, il monte très très vite comme entraîneur. Puis je trouve que c'est quand même, tu sais, c'est un peu pour l'orgueil, mais il a tellement compris que c'est pas parce que tu as joué que tu peux coacher. Donc il est allé apprendre, il est retourné comme des adjoints. Et là, il y a une bonne occasion là de coacher des jeunes joueurs et des joueurs de deuxième chance là qui vont peut-être lui donner une autre chance dans la NFL dans le futur. Ouais, effectivement. Les règlements, c'est ce qui était plus intéressant pour nous, là, parce que les joueurs ne les connaissent pas. Les gens qui s'attendent à avoir un botté d'envoi, ça ne fonctionnera pas comme ça. La transformation, ça ne fonctionnera pas également. C'est 7 points automatiques. Après ça, quel autre aspect également? C'est 20 secondes, je pense, pour la remise au jeu du ballon. 30 secondes. 30 secondes. Parce que l'objectif, c'est ça, exactement. L'objectif, c'est d'arriver 2h30, des matchs de 2h30. Exactement. Ouais. Exactement. Ebersole, qui connaît beaucoup la télé puis les films, il dit qu'en moyenne, un fan va regarder quelque chose 2h30. Donc, c'est ça, c'est la base d'une durée d'attention pour un fan, autant pour un film puis tout ça. Puis c'est ça. Donc, il n'y aura pas de délai d'attente pour la télévision. Ouais. Il va y avoir 60% de moins de publicité que le match de la NFL. Mmh. Donc, cela devrait couper environ 30 à 45 minutes de la durée d'un match. Ouais. Pour la prolongation, pour aider à garder les matchs dans un intervalle de temps de 2h30, il va y avoir seulement une session, une prolongation. Chaque équipe va commencer une possession offensive à partir de la ligne de 10 verges. Et tout comme dans un match régulier, une conversion de 2 points est requise. Donc, puis les matchs peuvent se terminer par une égalité, même après une prolongation. Donc, le plus intéressant là-dedans, c'est qu'il n'y aura pas de transformation. Donc, les équipes doivent tenter des conversions de 2 points. Il n'y a pas de onside kick. Ouais. Donc, comment qu'on va faire ça? C'est vu qu'il n'y a pas d'onside kick, si tu tires de l'arrière de 17 points et moins avec 5 minutes à faire, ben tu peux partir de ta ligne de 35 et ça va être un 4 et de gagner diverge. C'est comme un quatrième essai. Donc il faut que tu fasses ton premier essai, puis après ça tu gardes le ballon, puis tu continues. Ouais, ben, fait que ça, on va suivre ça de très très près. Ça commence demain, il y a 4 matchs au programme, mais nous, ben, pour les gens, parce qu'il faut dire que le premier match de la Ligue Alliance s'est présenté sur le grand réseau américain CBS, puisque ils font partie des fondateurs. Donc, pour la première semaine et le match de championnat au mois d'avril, on donne vraiment là, carte blanche. Donc, il y a deux matchs demain soir à 20h30 et deux autres qui auront lieu dimanche en fin de soirée. Je pense que le premier match le match qu'on va avoir droit demain soir, c'est San Diego puis San Antonio. C'est ça que j'ai vu dans mon guide de télé, là. Ouais. Ça, c'est les deux. C'est le match contre les Commanders de San Antonio. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est que rapidement, c'est les 8 équipes s'est séparées en 2 conférences. Ouais. L'Est et l'Ouest. Donc, les 2 premiers de chaque conférence vont s'affronter en demi-finale. Et la finale va avoir lieu à Las Vegas à la 12e semaine. Donc, c'est une saison de 10 semaines. La 11e semaine, la demi-finale, puis la 12e semaine, le week-end du 12 avril, je crois, à Las Vegas. Donc, on fait une finale aussi dans un territoire neutre. Donc, à Las Vegas. Toi, t'aurais-tu attendu, parce que mon chum Alexandre Gauthier disait, moi, je sens qu'il aurait attendu quelque semaine avant de commencer ça. J'aurais attendu au début mars, moi. Toi? Ben, c'est tout de suite après le Super Bowl. T'as deux écoles de pensée. Il y en a qui disent, regarde, faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Ben exactement, je pense que c'est plus ça. Puis je pense qu'ils veulent pas non plus, tu vois, là, ils vont finir le 12 avril, la fin avril, c'est le repêchage de la NFL. Mm. Donc je pense qu'ils regardent aussi le calendrier de la NFL avec ça. Donc ça va être bon, c'est correct. Comme ça a été dit, vu que c'est chaud, puis c'est vraiment à part, là, je vais être honnête, il n'y a pas grand monde qui le savent, cette ligue-là, cette nouvelle ligue. C'est décevant un petit peu. Par contre, je peux te dire que sur les médias sociaux, la XFL, ils brassent pas mal plus. Puis d'ailleurs, hier, on a annoncé Bob Stoops, c'est un gros nom, Bob Stoops, aux États-Unis. J'ai l'impression, moi, ma crainte, c'est qu'il faut pas qu'ils compétitionnent ils veulent pas compétitionner la XFL. Le commissaire Locke a mentionné, Oliver Locke a mentionné qu'il voulait pas compétitionner la NFL. Par contre, ils font tout que du tapage. Moi, je serais pas surpris de voir Colin Kaepernick aboutir dans cette ligue-là. C'est drôle. Johnny Manziel également. Ils vont brouiller les cartes, là. Ouais. Eux autres, là, ils se fieront pas au calendrier de la NFL. Fait que ça se peut que la finale de la XFL va être le week-end du repêchage à fin avril, là. Ouais. Eux autres, c'est vraiment la télé. Et chose intéressante aussi pour la Ligue Alliance, ils essayent vraiment au niveau de la technologie. Chaque joueur va avoir des puces sur eux autres. Donc, on va avoir des statistiques vraiment à temps réel. L'application est sortie sur Apple. Je pense que sur Android n'est pas encore sorti. Ils vont pouvoir gager en temps réel aussi sur l'application et toutes les statistiques inimaginables vont être sorties. Donc, c'est vraiment, moi, j'appelle plus une ligue laboratoire et en espérant que certains joueurs vont pouvoir se développer et peut-être avoir une autre chance dans la NFL. Effectivement. Tony, gros merci. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour savoir comment tu as trouvé ça. Parfait. Merci à tout le monde, puis bon week-end. Tony Gouzeau, site internet labitsnfl.com.